J'finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, au job que j'ai lâché, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai. Inachevé. Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Évidemment je vais faire pareil avec le son, pas besoin d'une bonne raison. De toute façon je suis pas censé rapper. À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip. Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines. Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras. Inachevé. Un prototype, une version bêta, une seule réponse à toutes les questions. Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist, comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet. Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer? Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler? Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations, inachevé. Meuf ou branlette améliorée, je fais pas la diff donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses. Mais comme les études, ça m'est vite passé et je ressens comme un vide. Inachevé. J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire. Faudrait qu'on se pose et qu'on discute. Qu'on discute, ouais, on verra ça demain. Là je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse, je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux. Long à la détente, mauvais sur la longueur. À quelques millièmes de seconde de laisser passer mon heure. La tête pleine de doutes, à confondre rien foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance. La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur. J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles. Je mérite une médaille, au final j'ai fait que briller par mes absences. Tu parles de quoi? Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me barre de là. Et on parle et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond. Donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon. Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson. Et c'est la première mesure de ma vie d'après. Et ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je veux pas vivre blasé, à 50 piges passées, l'envie de claquer. Alors je lâcherai mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté. Et si l'envie de tout foutre en l'air ce point d'huile de rappeler, si jamais la cabine explosera après même sous une pluie d'acier. Je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vitre cassée. Et si la mort frappe à ma porte, me dit t'es dans mes petits papiers, dis-lui de revenir après. Dis-lui de jarter, dis-lui de venir baquer. Ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule. J'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée.